Chapitre 2e. Une noce au flambeau. La difficulté fut de rattraper le cortège qui s'était perdu dans le labyrinthe des rues et des impasses. Le drogman avait allumé une lanterne de papier et nous courions au hasard, guidés ou trompés de temps en temps par quelques sons lointains de cornemuses ou par des éclats de lumière reflétés aux angles des carrefours. Enfin, nous atteignons la porte d'un quartier différent du nôtre. Les maisons s'éclairent, les chiens hurlent, et nous voilà dans une longue rue toute flamboyante et retentissante, garnie de monde jusque sur les maisons. Le cortège avançait fort lentement, au son mélancolique d'instruments imitant le bruit obstiné d'une porte qui grince ou d'un chariot qui essaye des roues neuves. Les coupables de ce vacarme marchaient au nombre d'une vingtaine, entourés d'hommes qui portaient des lances à feu. Ensuite venaient des enfants chargés d'énormes candélabres dont les bougies jetaient partout une vive clarté. Les lutteurs continuaient à s'escrimer pendant les nombreuses haltes du cortège. Quelques-uns, montés sur des échasses et coiffés de plumes, s'attaquaient avec de longs bâtons. Plus loin, des jeunes gens portaient des drapeaux et des hampes surmontés d'emblèmes et d'attributs dorés, comme on en voit dans les triomphes romains. D'autres promenaient de petits arbres décorés de guirlandes et de couronnes, resplendissant en outre de bougies allumées et de lames de clinquants comme des arbres de Noël. De larges plaques de cuivre doré, élevées sur des perches et couvertes d'ornements repoussés et d'inscriptions, reflétaient çà et là l'éclat des lumières. Ensuite marchaient les chanteuses, Oualem, et les danseuses, Gavazi, vêtues de robes et de soireillers, avec leurs tarbouches à calottes dorées et leurs longues tresses ruisselantes de sequins. Quelques-unes avaient le nez percé de longs anneaux et montraient leurs visages fardés de rouge et de bleu, tandis que d'autres, quoique chantant et dansant, restaient soigneusement voilées. Elles s'accompagnaient en général de cymbales, de castagnettes et de tambours de basque. De longues files d'esclaves marchaient ensuite, portant des coffres et des corbeilles où brillaient les présents faits à la mariée par son époux et par la famille. Puis le cortège des invités, les femmes au milieu, soigneusement drapées de leurs longues mantilles noires et voilées de masques blancs comme des personnes de qualité, les hommes richement vêtus, car ce jour-là, me disait le drogman, les simples fellahs eux-mêmes savent se procurer des vêtements convenables. Enfin, au milieu d'une éblouissante clarté de torches, de candélabres et de pots à feu, s'avançait lentement le fantôme rouge que j'avais entrevu déjà, c'est-à-dire la nouvelle épouse, El Harous, entièrement voilée d'un long cachemire dont les palmes tombaient à ses pieds et dont l'étoffe assez légère permettait sans doute qu'elle pût voir sans être vue. Rien n'est étrange comme cette longue figure qui s'avance sous son voile à plis droit, grandie encore par une sorte de diadème pyramidal éclatant de pierreries. Deux matrones vêtues de noir la soutiennent sous les coudes, de façon qu'elle a l'air de glisser lentement sur le sol. Quatre esclaves tendent sur sa tête un dais de pourpre, et d'autres accompagnent sa marche avec le bruit des cymbales et des tympanons. Cependant, une halte nouvelle s'est faite au moment où j'admirais cet appareil, et des enfants ont distribué des sièges pour que l'épouse et ses parents puissent se reposer. Les Oualem, revenant sur leurs pas, ont fait entendre des improvisations et des chœurs accompagnés de musique et de danse, et tous les assistants répètent quelques passages de leur chant. Quant à moi, qui dans ce moment-là me trouvais en vue, j'ouvre la bouche comme les autres, imitant autant que possible les Eleison ou les Amen qui servent de réponse aux couplets les plus profanes. Mais un danger plus grand menaçait mon incognito. Je n'avais pas fait attention que, depuis quelques moments, des esclaves parcouraient la foule en versant un liquide clair dans de petites tasses qu'ils distribuaient à mesure. Un grand Turc, vêtu de rouge et qui probablement faisait partie de la famille, présidait à la distribution et recevait les remerciements des buveurs. Il n'était plus qu'à deux pas de moi et je n'avais nulle idée du salut qu'il fallait lui faire. Heureusement, j'eus le temps d'observer tous les mouvements de mes voisins, et quand ce fut mon tour, je pris la tasse de la main gauche et m'inclinai en portant ma main droite sur le cœur, puis sur le front et enfin sur la bouche. Ces mouvements sont faciles, et cependant il faut prendre garde d'en intervertir l'ordre ou de ne point les reproduire avec aisance. J'avais dès ce moment le droit d'avaler le contenu de la tasse, mais là, ma surprise fut grande. C'était de l'eau-de-vie, ou plutôt une sorte d'anisette. Comment comprendre que des mahométans fassent distribuer de telles liqueurs à leurs noces? Je ne m'étais, dans le fait, attendu qu'à une limonade ou un sorbet. Il était cependant facile de voir que les almés, les musiciens et baladins du cortège avaient plus d'une fois pris part à ces distributions. Enfin, la mariée se leva et reprit sa marche. Les femmes fellahs, vêtues de bleu, se remirent en foule à sa suite avec leurs gloussements sauvages, et le cortège continua sa promenade nocturne jusqu'à la maison des nouveaux époux. Satisfait d'avoir figuré comme un véritable habitant du Caire et de m'être assez bien comporté à cette cérémonie, je fis un signe pour appeler mon drogman, qui était allé un peu plus loin se remettre sur le passage des distributeurs d'eau-de-vie, mais il n'était pas pressé de rentrer et prenait goût à la fête. « Suivons-les dans la maison, » me dit-il tout bas. « Mais que répondrai-je si l'on me parle ?»« Vous direz seulement, Taïeb, c'est une réponse à tout. Et d'ailleurs, je suis là pour détourner la conversation. » Je savais déjà qu'en Égypte, Taïeb était le fond de la langue. C'est un mot qui, selon l'intonation qu'on y apporte, signifie toutes sortes de choses. On ne peut toutefois le comparer au Godham des Anglais, à moins que ce ne soit pour marquer la différence qu'il y a entre un peuple certainement fort poli et une nation tout au plus policée. Ce mot Taïeb veut dire tour à tour très bien, ou voilà qui va bien, ou cela est parfait, ou à votre service. Le ton et surtout le geste y ajoutent des nuances infinies. Le moyen me paraissait beaucoup plus sûr que celui dont parle un voyageur célèbre, Belzoni, je crois. Il était entré dans une mosquée, déguisé admirablement et répétant tous les gestes qu'il voyait faire à ses voisins. Mais comme il ne pouvait répondre à une question qu'on lui adressait, son drogman dit au curieux « Il ne comprend pas, c'est un Turc anglais. » Nous étions entrés par une porte ornée de fleurs et de feuillages dans une fort belle cour, tout illuminée de lanternes de couleur. Les moucharabis découpaient leurs frêles menuiseries sur le fond orange des appartements éclairés et pleins de monde. Il fallut s'arrêter et prendre place sous les galeries intérieures. Les femmes seules montaient dans la maison où elles quittaient leur voile, et l'on n'apercevait plus que la forme vague, les couleurs et le rayonnement de leurs costumes et de leurs bijoux à travers les treillis de bois tournés. Pendant que les dames se voyaient reçues et fêtées à l'intérieur par la nouvelle épouse et par les femmes des deux familles, le mari était descendu de son âne. Vêtu d'un habit rouge et or, il recevait les compliments des hommes et les invitait à prendre place aux tables basses, dressées en grand nombre dans les salles du rez-de-chaussée et chargées de plats disposés en pyramide. Il suffisait de se croiser les jambes à terre, de tirer à soi une assiette ou une tasse et de manger proprement avec ses doigts. Chacun du reste était le bienvenu. Je n'osais me risquer à prendre part au festin dans la crainte de manquer d'usage. D'ailleurs, la partie la plus brillante de la fête se passait dans la cour, où les danses démenaient à grand bruit. Une troupe de danseurs nubiens exécutait des pas étranges autour d'un vaste cercle formé par les assistants. Ils allaient et venaient, guidés par une femme voilée et vêtue d'un manteau à larges raies, qui, tenant à la main un sabre recourbé, semblait tour à tour menacer les danseurs et les fuir. Pendant ce temps, les oualem ou aimés accompagnaient la danse de leur chant en frappant avec les doigts sur des tambours de terre cuite, tarabouka, qu'un de leurs bras tenait suspendu à hauteur de l'oreille. L'orchestre, composé d'une foule d'instruments bizarres, ne manquait pas de faire sa partie dans cet ensemble, et les assistants s'y joignaient en outre en battant la mesure avec les mains. Dans les intervalles des danses, on faisait circuler des rafraîchissements, parmi lesquels il y en eut un que je n'avais pas prévu. Des esclaves noirs, tenant en main de petits flacons d'argent, les secouaient çà et là sur la foule. C'était de l'eau parfumée, dont je ne reconnus la suave odeur de rose qu'en sentant ruisseler sur mes joues et sur ma barbe les gouttes lancées au hasard. Cependant, un des personnages les plus apparents de la noce s'était avancé vers moi et me dit quelques mots d'un air fort civil. Je répondis par le victorieux Taïeb, qui parut le satisfaire pleinement. Il s'adressa à mes voisins, et je pus demander au drogman ce que cela voulait dire. « Il vous invite, me dit ce dernier, à monter dans sa maison pour voir l'épouser. » Sans nul doute, ma réponse avait été un assentiment. Mais comme après tout il ne s'agissait que d'une promenade de femmes hermétiquement voilées autour des salles remplies d'invités, je ne jugeais pas à propos de pousser plus loin l'aventure. Il est vrai que la mariée et ses amis se montrent alors avec des brillants costumes que dissimulait le voile noir qu'ils ont porté dans les rues. Mais je n'étais pas encore assez sûr de la prononciation du mot Taïeb pour me hasarder dans le sein des familles. Nous parvâmes, le drogman et moi, à regagner la porte extérieure qui donnait sur la place de l'Esbiquier. « C'est dommage, me dit le drogman, vous auriez vu ensuite le spectacle. Comment? Oui, la comédie. Je pensais tout de suite à l'illustre Caragueux, mais ce n'était pas cela. Caragueuse ne se produit que dans les fêtes religieuses. C'est un mythe, c'est un symbole de la plus haute gravité. Le spectacle en question devait se composer simplement de petites scènes comiques jouées par des hommes et que l'on peut comparer à nos proverbes de société. Ceci est pour faire passer agréablement le reste de la nuit aux invités pendant que les épouses se retirent avec leurs parents dans la partie de la maison réservée aux femmes. Il paraît que les fêtes de cette noce duraient déjà depuis 8 jours. Le drogman m'apprit qu'il y avait eu le jour du contrat un sacrifice de mouton sur le seuil de la porte avant le passage de l'épousé. Il parla aussi d'une autre cérémonie dans laquelle on brise une boule de sucrerie où sont enfermés 2 pigeons. On tire un augure du vol de ces oiseaux. Tous ces usages se rattachent probablement aux traditions de l'Antiquité. Je suis rentré tout ému de cette scène nocturne. Voilà, ce me semble, un peuple pour qui le mariage est une grande chose, et bien que les détails de celui-là indiquassent quelque aisance chez les époux, il est certain que les pauvres gens eux-mêmes se marient avec presque autant d'éclat et de bruit. Ils n'ont pas à payer les musiciens, les bouffons et les danseurs, qui sont leurs amis, ou qui se font payer par la foule. Les costumes, on les leur prête. Chaque assistant tient à la main sa bougie ou son flambeau, et le diadème de l'épouse n'est pas moins chargé de diamants et de rubis que celui de la fille d'un pacha. Où chercher ailleurs une égalité plus réelle? Cette jeune égyptienne, qui n'est peut-être ni belle sous son voile, ni riche sous ses diamants, à son jour de gloire où elle s'avance, radieuse, à travers la ville qui l'admire et lui fait cortège, étalant la pourpre et les joyaux d'une reine, mais inconnue à tous et mystérieuse sous son voile comme l'antique déesse du Nil. Un seul homme aura le secret de cette beauté ou de cette grâce ignorée. Un seul peut tout le jour poursuivre en paix son idéal et se croire le favori d'une sultane ou d'une fée. Le désappointement même laisse à couvert son amour-propre, et d'ailleurs, tout homme n'a-t-il pas le droit, dans cet heureux pays, de renouveler plus d'une fois cette journée de triomphe et d'illusions ?